Chapitre deuxième. Les deux jeunes gens en croyaient à peine leurs yeux. Ils avaient un toit, bien à eux, avec une table, des chaises, un vieux poêle à bois et à charbon qui dégageait une douce chaleur. Quelques ustensiles de cuisine indispensables accrochés au mur au-dessus d'une vieille cuisinière, également à charbon, et le comble du luxe pour eux, un lit, un vrai, en bois. Rudimentaire, certes. Mais tout de même, c'était un lit où ils pourraient enfin être ensemble. Un doux bien-être les envahit peu à peu. On leur apporta du pain frais encore chaud dont l'odeur exquise leur mit l'eau à la bouche, des pommes de terre, des œufs ainsi que quelques fruits et légumes. Avec ça, ils pourraient tenir une bonne semaine, voire deux, en se restreignant un peu, le temps de se trouver un travail. Après, s'être lavés entièrement et ôter soigneusement la vermine qui leur collait à la peau, ils purent ce soir-là se coucher entre des draps et couvertures propres. Après deux vaines tentatives pour enfin s'endormir, ils se blottirent dans les bras l'un de l'autre. C'était si bon après toute cette promiscuité sur le bateau. Ils n'avaient même pas encore consommé leur union. Patrick prit enfin conscience, malgré sa grande fatigue, du corps si chaud et si doux de sa tendre épouse contre le sien aussi brûlant et rude. Maureen, chérie, tu dors? Non, Pat. Maureen, si tu es fatiguée, nous n'en parlerons même pas. Je ne suis pas fatiguée, Pat, mais je ne sais pas trop quoi faire. Tu sais, j'ai vu les animaux à la ferme, les hommes. Et puis, si nous faisions un bébé, comment ferions-nous pour travailler? C'est vrai, mon amour, mais comment dire? Père, avant de mourir, m'avait expliqué comment faire et surtout comment ne pas avoir d'enfant tout de suite. Enfin, toutes les fois que. Tu comprends, chérie? Pas trop, Pat, mais j'ai confiance en toi. Alors, si tu penses que nous pouvons nous aimer sans risque, eh bien, aimons-nous, car je t'aime de toute mon âme depuis la première fois que je t'ai vue. Les yeux bleus nuit de Patrick plongèrent dans ceux azur de Maureen. Et cette nuit-là fut la plus belle de leur jeune vie. La quarantaine passa comme dans un rêve. Mark Price, au bout de quelques jours, leur rendit visite, comme il l'avait promis. Il leur demanda ce qu'ils savaient faire. Patrick, à part la terre, ne connaissait rien d'autre, mais il était fermement décidé à apprendre un dur métier. Quant à la jeune femme, elle avait appris tous les métiers d'aiguille et pouvait se débrouiller. Mark Price leur donna quelques adresses, mais ils se devaient de faire les démarches eux-mêmes. Le grand matin arriva enfin. Ils s'éveillèrent au bruit de dehors, comme pendant les 40 jours qu'ils avaient déjà passés là. Les bruits d'une ville sont étrangers à ceux de la campagne. Après de brèves ablutions, ils se restaurèrent brièvement. Ils n'avaient plus à se priver depuis que le lendemain de leur arrivée, ils comprirent que chaque jour, ils auraient la même quantité de nourriture. Avec tout le courage de leur jeunesse, ils s'élancèrent dans New York. Le forgeron à son enclume, tout rouge et couvert de sueur et de poussière, les salua gaiement, mais refusa tout net d'engager le jeune homme. Patrick n'était ni assez fort pour l'aider, ni assez compétent. Il lui conseilla cependant le cordonnier, plus haut, à côté du vieux saloon. Monsieur Aurélie était un petit homme rondouillard avec des besicles cerclés d'or qui faisaient de lui quelqu'un d'important. Certes, il était posé, très calme et se faisait un devoir de réparer toutes les chaussures de la ville, mais parfois il poussait une violente crise de colère quand cela ne tournait pas comme il le souhaitait. Caractère bien trempé d'Irlandais. Malgré ses 6 apprentis, il manquait toujours sérieusement d'effectifs. En effet, le travail ne cessait d'augmenter en même temps que la ville s'agrandissait. Vu sa renommée, il avait une énorme clientèle qui se déplaçait de fort loin pour faire ressemeler ses chaussures ou en faire confectionner d'autres sur mesure. Ses apprentis ne restaient environ qu'une année avant de chercher eux-mêmes fortune ailleurs. Aurélie accepta de prendre Patrick tout de suite, se disant qu'avec une jeune femme, cet apprenti-là resterait plus longtemps que les autres. La question salaire fut vite réglée. 1 dollar par semaine, une paire de chaussures neuves tous les 2 ans, pouvant être réparées gratuitement, un pain et une douzaine d'œufs par quinzaine, pouvant se transformer en 50 cents. Aurélie n'oubliait pas son origine. Son offre était plus que raisonnable, et Patrick accepta immédiatement sa proposition. Maureen, quant à elle, fut dirigée vers l'atelier de couture de Madame Vaughan, tout près de l'église. La femme du barbier était une matrone toujours élégamment vêtue, hautaine, mais avec un cœur d'or. Elle avait sous ses ordres 2 douzaines de jeunes cousettes écervelées, en lesquelles les mères plaçaient de grands espoirs. Madame Vaughan observa Maureen de la tête aux pieds. Malgré ses vêtements bon marché, la jeune femme était soignée sur elle. Bien coiffée, sans une mèche de cheveux qui dépassât de son petit bonnet de dentelle, les mains propres, elle put fièrement lui dire tout ce qu'elle savait faire. Je sais coudre, broder, raccommoder, tricoter et même faire de la dentelle. Madame Vaughan resta un instant très sceptique. Cette jeune personne si maigre, à peine débarquée, savait faire, selon elle, ce que la plupart des jeunes filles ici présentes, après 3 ans d'apprentissage, ne faisaient encore qu'avec dilettantisme. Maureen fut mise à l'épreuve pendant une semaine. Madame Vaughan fut plus qu'intransigeante. Elle lui demanda de couper, d'assembler, de coudre, etc. Elle fut grandement stupéfaite du résultat final. Cette jeune femme était une vraie perle rare. Elle avait des dons et deviendrait sans contestation aucune une grande couturière si on lui en laissait la chance. Madame Vaughan préféra avoir Maureen chez elle plutôt que dans l'autre grande maison de couture de la ville, chez sa rivale. 1 dollar par mois, une robe neuve par an et la possibilité d'apprendre encore, voilà ce qu'elle lui proposa. Maureen accepta avec joie ce travail éreintant, certes, mais fructueux question finance. Si Patrick, de son côté, avait pu trouver la même chose, si seulement la chance avait pu leur sourire, il ne leur faudrait que 5 ans à peine pour repartir et être leur propre maître. Madame Vaughan était maniaque sur la propreté. Tous les matins, elle inspectait les mains des jeunes cousettes, toutes en rang pour l'occasion, et égare au bout des doigts pas assez nets pour la patronne. Un bon coup de baguette ramenait à la raison la jeune fille incurante. Malgré cela, le travail restait plaisant. Il n'y avait de repos que le dimanche, jour du Seigneur. Le reste de la semaine, il fallait trimer 14 heures par jour. Le premier soir, ils eurent la surprise de trouver sur leur table un petit mot d'amitié de Mark Price et de Jack Le Borgne, les félicitant d'avoir trouvé si vite un bon travail. Pendant 4 ans, ils travaillèrent d'arrache-pied, ne lésinant pas sur les tâches à accomplir. Ils achetaient régulièrement chez Mark Price les instruments agraires dont ils auraient besoin pour aller dans l'Ouest sauvage. Le bon cordonnier et la couturière les avaient mis en garde sur les dangers de cette traversée, sur ces terres lointaines. Les bandits de grand chemin pullulaient, et surtout les Indiens, que l'homme blanc repoussait toujours plus loin. Mais les deux jeunes gens étaient plus que décidés de faire fortune, ailleurs, sur une autre terre, bien à eux. Ils avaient presque tout réuni pour le grand départ, quand un soir à la table, Maureen prit la parole en hésitant. Pat, j'ai quelque chose à te dire. Toi, tu travailles si dur que cela ne m'étonnerait qu'à moitié si tu me disais que ta patronne t'a augmenté. Non, ce n'est pas ça, je regrette, c'est plus. Qu'y a-t-il, chérie? Tu as l'air toute chose. Serais-tu malade? Non, enfin, pas malade, je t'en prie, Maureen. Cesse de me faire languir, je t'écoute. D'accord. Voilà. Je suis enceinte, lui déclara-t-elle d'une seule traite. Oh. Il ouvrit la bouche, puis la referma, sans qu'aucun autre son ne puisse en sortir. Maureen le regardait, les larmes aux yeux. Je suis si désolée. Se reprenant enfin, Patrick la prit immédiatement dans ses bras. Oh, ma chérie, je ne crois pas que je sois en colère. Surpris, c'est sûr, mais c'est une telle joie. Je t'en prie, cesse de pleurer, je t'aime si fort, c'est formidable. Je vais être papa. Il faut que tu arrêtes de travailler. C'est beaucoup trop fatigant. Non, nous ne pouvons pas nous le permettre. Je prendrai du travail à la maison au bout de quelques mois seulement. Pour le moment, je peux encore aller à l'atelier. Il faut être prudente, ma Maureen. Tu dois rester en bonne santé pour notre petit et pour moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive des ennuis. Promis, mon chéri, je ferai très attention, mais. Et notre départ? Nous le repousserons de quelques mois, voilà tout. Embrasse-moi à présent, future maman de mon cœur. Cela se passa exactement comme Patrick avait prévu. Seule Madame Vaughan fut un peu déçue de ne plus avoir Maureen après quelques mois. Mais la jeune femme était tellement grosse qu'elle n'aurait pu se déplacer si loin. Quelques heures par jour seulement, elle travaillait chez elle, prenant bien soin de ses 6 jolies robes que d'autres tout aussi jolies dames porteraient. 8 mois et demi plus tard, Maureen, en se réveillant, ne se sentit pas très bien. Ne voulant pas inquiéter son mari, elle ne dit rien et continua à vaquer à ses occupations quotidiennes. Quelques heures plus tard, elle s'accrocha au chambranle de la porte, livide, le souffle coupé. La douleur fut fulgurante. Elle appela sa jeune voisine qui faisait la lessive. « Doris, viens vite, j'ai besoin d'aide. Je crois que le moment est venu. » La jeune fille lâcha le drap qu'elle étendait et se précipita chez le vieux docteur Jones, puis chez le cordonnier Aurélie. Patrick courut à perdre haleine. Le bon docteur Jones et lui se retrouvèrent pratiquement en même temps à la porte de la chambre, essoufflés, l'un bloquant le passage de l'autre. « Enfin, dehors, mon garçon !» fit le patricien excédé. « Ah, envoie-moi Doris. Il me faut des draps propres et de l'eau. Beaucoup d'eau chaude, très chaude. Allez, ne reste pas planté là, bouge-toi. » Patrick faisait les 100 pas devant la porte de la chambre. 2 heures que le travail avait commencé et toujours rien. Il entendait sa douce Maureen pleurer, gémir, hurler et même parfois maudire. Fou d'inquiétude, n'en supportant plus davantage, il passa la tête dans l'entrebâillement de la porte et demanda au docteur. « Dites-moi, docteur, que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Je pourrais peut-être l'aider. »« Tu sais mettre les enfants au monde, mon petit ?»« Bien sûr que non, mais pas de mais. Un petit être ne vient pas au monde en quelques instants. Cela peut être très long et tout cela me semble bien parti pour ça. Alors va boire un verre, et même plusieurs, au saloon. Quand j'aurai du nouveau, je t'enverrai Doris. Allez, file, ne reste pas dans mes pattes. J'ai du travail, moi. » 3 heures plus tard, Patrick reprenait le chemin de leur maison. Doris n'était pas venue le chercher, et il commençait à faire nuit, en ce 28 octobre 1861. Arrivé devant chez lui, à peine rentré, il entendit un vagissement. Fou de joie, il fonça vers la porte et entra. « Docteur Jones, j'ai entendu, j'ai un petit. »« Allons, allons, Patrick, je vous ai demandé d'être raisonnable. »« Oui, je sais, mais enfin j'ai bien entendu pleurer un bébé. » « Oui, oh oui, mon garçon, mais le travail est loin d'être terminé. Il y en a un autre. » Patrick, la bouche grande ouverte par la surprise, ne sut que répéter. « Un autre? Que voulez-vous dire, docteur ?»« Ne sois pas stupide, mon garçon. Vous allez avoir des jumeaux. »« Des jumeaux? Oh mon Dieu! Rassure-toi, tout va bien. C'est quand même pas catastrophique. Peut-être même y en a-t-il un cas similaire dans ta famille ?» « Non, je ne crois pas. Mais Maureen avait des frères jumeaux. Vous croyez que cela vient de là ?» Le docteur Jones rit sous cap. « J'en suis pas vraiment certain moi-même, vois-tu. Pourtant, j'en ai vu une fois ou deux. Allons, Doris, encore de l'eau bouillante, on y retourne. Et toi, jeune papa, tu vas arroser l'avenue du premier en attendant le deuxième. » « J'aimerais juste savoir avant comment va Maureen, docteur. »« Elle va bien pour le moment, fatiguée, mais bien. » Il lui faudra de la bonne nourriture et beaucoup de repos. À présent, laisse-moi faire ce pourquoi je suis là, Phil. » Un cri perçant vint les interrompre. Les douleurs reprenaient de plus belle. 3 quarts d'heure plus tard, 2 petits êtres identiques gigotaient sur le ventre de leur mère. Les yeux à peine ouverts, bleus de nuit, quelques petites touffes de cheveux châtains sur la tête, ils étaient en pleine forme et n'attendaient plus qu'on les mette au sein pour leur première tétée. Maureen, épuisée mais heureuse, attendait l'heureux papa, qui entra d'un pas un peu chancelant. « Voilà, c'est terminé, » dit le vieux docteur Jones, fatigué. « Toutes mes félicitations à vous deux, vous avez fait du beau travail. Ils sont magnifiques et en parfaite santé, ces 2 petits gaillards. Maintenant, madame, il faut vous reposer et même dormir. Je pense que Doris pourra vous aider dans les prochains temps. » « Interdiction de se lever pendant 3 jours, c'est bien compris ?»« Oui, docteur, je vous suis infiniment reconnaissante d'être venue à temps. »« C'est rien, je n'avais que vous comme urgence alors. Au fait, avez-vous pensé au nom pour ces 2 petits chenapans ?»« À vrai dire, pas encore, » répondit Patrick en regardant amoureusement sa femme. « Mais nous trouverons rapidement, ne vous inquiétez pas. » « Bon. » Je reviendrai demain voir tout ce petit monde. En attendant, je vous souhaite la bonne nuit, mes enfants. » Ne prendrez-vous pas le repas avec nous, docteur? Il n'est pas loin de minuit et vous n'avez rien mangé, fit Patrick. La soupe est prête, elle n'attend que vous. Je te remercie, mon garçon, mais j'ai encore du travail et je suis là, alors je vais rentrer. Mais une autre fois, je ne dirai pas non. Et le vieux docteur Jones disparut dans la nuit. non sans avoir encore une nouvelle fois recommandé 1000 précautions à la jeune maman.